kakak sinabo moi nangai Latanga mote ma pwete na linga yoe Talanga na miso ya bolingo yesu Nazaya yo kunandini kolanda yo masia e bibai biso Memanga na mapapu ya ngolu Kukakate kuzala musika na yo Kumbanga na ndako ya papaye Tufanda kubalanga ukoma isengo ya motema nanga yesu Yesu.

Nenzaro kanyingi mu muhanda, nenzaro kanyingi. we muhanda obusera zine minda kabingi Yesu onjude ebizibu ebikusanga kabingi amazika ganchuzire kame Quand je suis près de toi avec toi, je le veux. Je sens tout en moi la douceur de ta voix, le parfum de ta vie. Je suis fou d'habiter constamment le jardin de tes biens. Vivre avec toi, c'est mon choix. Serre-moi dans tes bras, Seigneur, entraîne-moi dans tes voies. Restons tous les jours ensemble, exaltons tes désirs et remplis tout mon cœur, Jésus, de ton amour. Serre-moi dans tes bras, tout mon cœur, Jésus, de ton amour. Car tu es celui qui mon cœur est. Serre-moi dans tes bras, Seigneur, entraîne-moi dans. Je veux être avec toi, Seigneur. Restons tous les jours ensemble, exaltons tes désirs. Je veux demeurer dans tes bras d'amour et remplir tout mon cœur, Jésus, de ton marcher amour. Marcher comme toi, être comme toi, je le veux. Puissance. De la vie éternelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Fresh Face Music. Chigambo chimonchi kusabye mukama chinono chinano nyanga okutula nga munyumba yo nakuzoneza obulamu bwange chigambo chimonchi kusabye mukama chinono chinano nyanga okutula nga munyumba yo nakuzoneza obulamu bwange chigambo chimonchi kusabye omwoyo Chinono chinano nyanga okutulanga awoli nakuzomeza obulamu bwange chigambo chimunchi kusabye mukama chinono chinano kusaba kubanga chezude teke duwa kwekwe kawori ya wo chidambo chimunchi kusabye mukama mwecho mwemu chimuna no chenano nyanga mwecheno mwezi jetele ayo Gaweza changa ni mbuza zinagwazitia Na ye mnyumba yo ne mchigambo cho Bizi chusiza katindaba chenda gala Chigambo chimu nchi kusabye mukama Mwega chikala na chenda no nyamba Wanyamba wanyamba Na mnyumba yo Na kusomezo ula mwange Wali waba wala vende gombanga Gaweba mpitako kanyabo nenzi kwa mu Mukwano nkolete Akazigo nobugoyo bimpate Chigambo chimu nchi kusabye mukama Kweba chino chinano Na yemu miramu wema yeyo Hayo Kusomezo ulamu wange Katimine mikwane chimpani kamubala Mbuje sori wakabi orono nenzimba Kila chari chisache cho chenda sanga mnyumba yo Chechi vale sebano Chigambo chimu nchi kusabye mukama Nchi kusabye mukama Chinano nyanga Kanywelele woli Mnyumba yo Mnyumba yo Kusumezo mula mwange Njogere nungi Njigidomo Enyambare nungi Na yeromo Kumeseno yalize ya nimba Nchoku ito mwerele Rori wakabi Chigambo chimu nchi kusabye mukama Na ye chikusabye Chinano nyama Mochilaze mumake chikarenze Nyumba yo Kusumezo mula mwange Okukiriza kuigidomo No kulindako na kwelomo Wasi wasi no muzi jamu La vera mwendize Mokwano kolete Chigambo chimu nchi kusabye mukama Chikusabye mukama Chigambo chimu nchi kusabye mukama Zabana bange